Mais ne fût-ce pas comme ça depuis toujours ? On a rêvé. Yeah, we dream instead. We dream instead of you, of our dreams. Yes, we dream. We dream instead of our dreams. Yeah, we dream, but we dream instead of our dream. Dreams are dream instead. The dreams are the dream you dreaming. The dream are the dream you dream. The dream are the dream you dream instead. Dreamer, I'm a dreamer. Are you a dreamer? I'm a drummer. Are you a drummer? No drummer. You're a drummer. Yes, you are a drummer. I ain't no drummer. I am a dreamer. The dream we dream instead. All the dreams we dream instead. All the fresh of an American dream. Then all the fresh of an American. All the fresh of an American dream. Then all the fucking dream of an we dream instead. All the fresh of an American dream. And all deception of American. All the fresh of an American dream. And all deception of American. Free world, yeah, we need to dream now again. Free world is the fuck we shit now. Where the free dream. World is your, you ain't no boss of me. Mommy, I need to dream again. You won't sacrifice me. Do you think they break my balls? Do you think they break my, they break my board? The dream we dream instead. À travers l'espace et le temps, les continents. Dream we make. Tu cap pas. Dream we make. Forever, and ever. We try to make a dream together. We try to make a dream together. And I don't know if we fail on, fail on, fail on. I don't know if we. All new if we. sense away. C'est une réussite sans conteste. I don't know. Hey, no, no. Sans conteste, I don't know. Sans conteste, dans la place. Here we go. They don't know, they don't know. Sunday morning, I'm waking up. I didn't know who's better man. Sunday morning, I'm waking up. Starts where do I begin? Saturday morning, I'm wake up and I was in my bed. Where do I start? Where do you begin? I do. Morning, je faisais moins le malin. Monday morning, sur la route du travail vers l'apocalypse. La catastrophe annoncée, programmée par le système. Évidemment, évidemment, moi, comme toi, pas très tranquille. On est tranquille dans nos contrées. On peut faire de la musique tranquille, posée. Bonne connexion. Tranquille, posé. Souvent, voilà le tac tac tac des policemen qui reviennent à l'attaque. Mais on essaie de se poser tranquille, rangé. Clyde Barrow, Bonnie Parker, ils étaient traqués, ils l'avaient bien cherché, ils se mettaient au banc de la société, refusant le maléfice de leurs origines modestes. Que modeste, misérable, et donc pour contrer la fatalité, Bonnie and Clyde sont devenus des voleurs. Ils ont pris juste ce qu'on leur donnait pas, qui était à portée, richement étalé. Pas bien se finir, c'était écrit, un bain de sang, je ne dis pas le détail. Comme aujourd'hui, dès que tu l'ouvres, tu te fais massacrer, de façon plus ou moins civilisée. Devenir des Bonnie et des Clyde. Pour manigancer, se faufiler. Bye. déterminisme social appliqué à la lettre. Ça va. Quand j'ai dit 2 heures, je me suis dit il y a une marge de 1 heure. Aïe aïe aïe aïe aïe. Thanks you. Tu dormes là. Je vais te filer une couette. Ne pas conduire, c'est tellement bien. Ah oui. Un confort. Un confort inouï. La survie.